Bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce 14 décembre 2022. Voici d'abord l'essentiel. Plus de 57 candidats ont passé ce lundi le test d'entrée à l'Institut supérieur des cadres militaires ISCAM. Le porte-parole de l'armée et des anciens combattants déplore le fait que les candidats féminins et de l'ethnie Twa sont plus nombreux par rapport à l'année passée. Les formations politiques, à savoir le CNL et le Frodebu Nyakuri, saluent le retrait du Burundi de l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président de ces partis appelle au gouvernement à éviter d'être réinscrit sur cet agenda. Et les riziculteurs de la plaine de Gihanga, nous sommes dans la province de Bubanza, accusent déjà un retard de 2 mois pour semer car ils n'ont pas accès à l'eau d'irrigation de la rivière d'Okajeke, détournée par des inconnus. Eric Adogo assure la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Un jeune garçon d'une quinzaine d'années, selon le chef de colline Chavara, est mort poignardé au niveau de la gorge vers 17h de ce dimanche. Cela s'est passé sur la colline Chavara, en commune et province Rumonge. Le chef collinaire de Chavara, qui dit avoir été saisi après ce crime, informe que le présumé auteur de ce crime, son voisin de 18 ans, s'est aussitôt volatilisé dans les palmeraies après ce crime qui aurait comme origine un conflit autour de 1000 francs burundais entre les deux jeunes garçons. Aussi longtemps que le présumé auteur de ce crime ne se sera pas encore arrêté, dit la police de Rumonge, le vrai mobile de ce crime restera méconnu. La décision de retirer le Burundi de l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies pourrait avoir des retombées positives sur la population, surtout au niveau économique. C'est l'observation du président du parti CNL. Agathon Rwasa ajoute néanmoins que cette décision devrait avoir été prise en ayant levé toute équivoque, notamment le respect des droits de l'homme. Il déplore que des violations des droits de l'homme s'observent toujours au Burundi. Suivez plutôt le député Agathon Rwasa au micro d'Armel Moutoud. Si l'on devrait documenter les disparitions forcées, les corps sans vie qu'on retrouve ici et là, c'est un signe qui ne trompe pas que la sécurité des citoyens n'est pas du tout là. Et non seulement cela, est-ce que la discrimination qui s'observe au niveau de la gestion du pays, est-ce que ça augure quelque chose de positif ? Pas du tout. Seulement, ce qu'a fait les Nations Unies par rapport à cette question démontre encore une fois que quelque part, l'Organisation des Nations Unies a une capacité très très limitée parce que si ce n'est pas être au service de quelques puissances ou de quelques dirigeants ici et là, en tout cas, à travers cette décision, ce n'est pas vraiment le sort du peuple burundais qui a été mis en exergue, mais plutôt autre chose. Mais dans cette décision du Conseil de sécurité des Nations Unies, il a été émis des réserves comme quoi il devrait y avoir des améliorations au niveau des droits de l'homme et au niveau de l'observation d'autres principes démocratiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait plutôt une dérobade de la part de ceux qui ont rédigé ce texte-là. Parce que pourquoi est-ce que vous émettrez des réserves pour décider finalement en faveur de celui-ci ou de celui-là ? Pourquoi ne pas d'abord vider ces réserves-là pour décider une fois pour toutes ? On devrait plutôt encourager à mettre un terme à tous ces écueils-là pour qu'on puisse décider une fois pour toutes sur fond de quelque chose de réellement positif. Mais vous appelez ce qui est négatif, vous prétendez entre parenthèses que ce sont des réserves. Après tout, qui est-ce qui souffre ? C'est le peuple qui continue à souffrir. C'était là le président du parti CNL, le député Agathon Rwasa, le parti Frodebu Nyakuri, Iragijanda Daye, dit avoir accueilli avec satisfaction la décision de retirer le Burundi de l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies. Kefani Wizi, président de ce parti, demande au gouvernement de toujours privilégier le dialogue pour faire face aux problèmes sociopolitiques. Et cela pour la consolidation de la paix au Burundi afin d'éviter d'être réinscrit sur l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies, Kefani Bidi, au micro d'Ornella Mucho. pour nous, il s'agit d'une avancée parce que cela va redorer l'image du pays et va encourager les investisseurs qui voudraient venir au Burundi, que ce soit étrangers ou même des Burundais eux-mêmes. Et cela aussi va permettre à ce que toute autre organisation, tout autre partenaire qui voudrait coopérer avec le Burundi pourrait être rassuré du fait que la situation réelle du pays a été certifiée aussi par l'ONU. Qu'est-ce qui devrait être fait justement par le gouvernement pour éviter que le Burundi soit de nouveau sur cet agenda? Je pense que toutes les parties prenantes de la vie sociopolitique burundaise devraient pour faire pour qu'il ne faudra jamais penser à l'usage de la violence quand on a une revendication sociale ou politique pour ne pas inscrire encore de nouveau notre pays sur l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais aussi le gouvernement doit toujours travailler comme un rassembleur en évitant des actions ou des comportements qui inciteraient une partie des Burundais à l'usage de la violence. Il faudra donc mettre en avant la concertation, le dialogue dans les grandes décisions qui influencent visiblement la vie des citoyens. Et comme ça, je pense que toute personne qui voudrait porter atteinte à l'ordre de la République manquerait du prétexte. Mais aussi, le gouvernement doit veiller toujours à la sécurité pour que toute personne qui tenterait de la perturber soit maîtrisée avant qu'il arrive loin. Isanganiro, la radio de l'avenir. Passation ce lundi dans tout le pays du test d'entrée à l'Institut supérieur des cadres militaires ISCAM. Au total, 577 candidats composés de jeunes filles et garçons à l'âge de 25 ans passent l'examen dans 18 centres du pays. Folibert Biereke, porte-parole du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, précise que cette année, les candidats féminins ne sont pas nombreux comparativement aux années antérieures. Il dit qu'à Bujumbura, seulement 5 filles se sont présentées. On l'écoute. Les candidats officiers qui se sont fait inscrire sont venus passer le test intellectuel qui va leur permettre d'entrer dans la FDNB. Ce test est donc organisé dans toutes les provinces. Il y a 18 centres de passation de tests et 577 candidats vont passer le test intellectuel. Ici à l'ISCAM, il y a 34 candidats qui vont passer ce test et parmi ces candidats, il y a 5 filles. Les examens d'aujourd'hui portent sur 3 matières, à savoir les mathématiques, le français et l'anglais. Toutes les ethnies sont représentées, mais dans des proportions différentes. On a vu que dans ce processus de recrutement, les toits n'ont pas été nombreux. Non plus, les filles n'ont pas venu en grand nombre. Néanmoins, il y a partout où ces inscriptions étaient faites, il y a eu toujours des candidats féminins, comme il y a eu des candidats batois. À Bujumbura, on note qu'il n'y a pas de toit, mais on a eu 5 filles qui se sont fait inscrire pour passer le test. Au terme de ce test, il y aura un autre test que les candidats vont pouvoir passer le 21 décembre 2020, un test d'aptitude physique. Il s'agira du sport pour voir si ces candidats-là sont capables de pouvoir exercer le métier des armes. C'est à ce moment-là que l'on va montrer aux candidats qui ont passé le test leurs résultats pour que ceux qui ont à réclamer puissent le faire. Le 28, on va afficher les résultats que les candidats auront obtenus. C'était la Floribert Biereke, porte-parole de l'armée, qui fait savoir que 3 Burundais de l'ethnie Twa ont seulement répondu à ce test d'inscription au niveau national. 31 colis composés de 1877 pagnes ont été saisis par l'Office burundais de recettes en collaboration avec la police et la nuit de dimanche à lundi. Audace Niyonzima, commissaire général de l'OBR, fait savoir que les marchandises saisies valent plus de 50 millions de francs burundais et doivent être vendus aux enchères au moment où la police indique avoir commencé des enquêtes pour identifier ces fraudeurs. L'OBR les invite à abandonner le commerce frauduleux. Les détails avec Marie Douaille. Ces pagnes ont été saisies au bord du lac Tanganyika, près du stationnement 2 de la régie des eaux, à moins d'un kilomètre du port de Bujumbura. Moïse Nkurunziza, porte-parole adjoint du ministère ayant la sécurité dans ses attributions, nous parle de la technique utilisée pour traquer cette fraude. Ce qui s'est passé dans cette matinée, c'est que ces fraudeurs ont essayé d'exercer une pression contre la police. L'un des policiers a tiré sur l'un des fraudeurs et qui est mort aussi le chat. Il faisait partie des chauffeurs de ces bateaux parce que c'était des bateaux. Les était à moteur et l'autre sans moteur. Et celui qui était à moteur a pu échapper. Quatre autres ont été arrêtés. Selon Audace Niyonzima, commissaire général de l'Office burundais des recettes, ces pagnes seront vendues aux enchères et les fonds issus de cette vente seront mis dans le trésor public. Ces pagnes sont au nombre de 1877 pièces avec une valeur d'environ 52 millions. Ces pagnes ont été saisies grâce à la synergie de la population qui a fourni les renseignements et de la police qui a fait l'intervention à temps et au service de l'OBR. Ces pagnes seront vendues aux enchères et tout le produit de la vente sera versé au trésor. Le porte-parole adjoint du ministère et à la sécurité dans ses attributions et le commissaire général de l'OBR interpelle ceux qui pratiquent le commerce fraudulé à abandonner ce comportement. Je tiens à vous signaler que sur ces colis, il y avait les noms des propriétaires. Alors la police va faire tout son mieux pour appréhender ces propriétaires. Nous interpellons ces fraudeurs de cesser ces activités contraires à la loi, de cesser d'user de la force contre la police, mais également de se référer à la loi et de travailler conformément à la loi. L'appel que nous lançons à la population, c'est de continuer à répondre à l'appel de son Excellence le Président de la République. Ça veut dire que tout le monde doit veiller aux frontières du pays. Et à ces fraudeurs, nous leur lançons l'appel de cesser cette pratique. Parce que nous avons pris toutes les dispositions en collaboration avec toutes les institutions du pays, ça veut dire la police nationale du Burundi, les services nationaux de renseignement, évidemment avec la population, que nous allons surveiller fermement la frontière pour que cette pratique soit éradiquée. Ces marchandises étaient à bord de deux bateaux. Celui en moteur a pu échapper et l'autre, sans moteur, a été arrêté et puis brûlé. Merci à Omer Ndoua. Et je vous le disais dans le titre, les riziculteurs de la plaine de Gihanga dans la province de Bouanza n'ont plus accès à l'eau d'irrigation. Des gens non identifiés ont bouché le canal d'irrigation au niveau du barrage de Kajeke et en profitent pour pêcher dans le lac superficiel qui s'est formé. Cultivateurs du riz qui accusent déjà un retard de 2 mois doutent des rendements de cette année. Si rien n'est fait pour débloquer la situation au niveau de l'administration à Gihanga, on explique qu'on est en train de voir comment déboucher ce canal avec Space Caritas Kabanyana. Eliazar Sinzumunsi est un cultivateur de riz qui exploite chaque année 2 hectares à Gihanga en dessous de la route Bujumbura-Rugombo. Il a cultivé dès le mois d'octobre et jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore planté car aucune goutte d'eau n'y arrive. Ce riziculteur est l'un parmi beaucoup d'autres qui disent ne pas savoir où donner de la tête car il pourrait récolter dès le mois de janvier et si l'eau était disponible, comme ils le disent. Ces riziculteurs indiquent également que l'eau d'irrigation de la rivière Kajeke a été bloquée au niveau du barrage par des gens qui cherchent des poissons dans un lac superficiel qui s'y est formé. Ils disposent même d'un petit bateau selon la même source. Ces cultivateurs qui n'ont plus accès à l'eau d'irrigation s'inquiètent des récoltes de cette année et demandent aux autorités de tout faire pour débloquer la situation. Les administratifs locaux à Bubanza, en amont où se trouve ce barrage, explique qu'aucune personne n'a bouché ce canal d'irrigation, mais qu'il a été plutôt obstrué par des troncs d'arbres et des pierres amenées par l'eau de ruissellement. De son côté, l'administrateur de la commune Gihanga dit qu'on a déjà commencé les manœuvres pour déboucher ce canal, même si ce n'est pas facile. Space Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci à Space Caritas Kabanyana de Bubanza. Rendons-nous à Gitega où le prix du sac du charbon a grimpé ces 4 derniers mois dans la ville de Gitega. Un sac qui s'achetait à 12 000 francs dans les derniers 4 mois. Aujourd'hui, il s'achète à 18 000 francs burundais. Les fournisseurs de ce produit disent que les taxes sur le charbon sont devenues casse-tête. De l'autre côté, ils disent être malmenés par la police de la protection civile, ce qui réfute cette dernière. Les détaillants du charbon dans la ville de Gitega affirment qu'ils ont augmenté le prix parce qu'ils sont obligés de récupérer cette marchandise dans des coins éloignés de la ville. Les détails avec Fidèle d'Antoine Seyman. Les vendeurs du charbon sur le point de vente se trouvant dans différents quartiers de la ville de Gitega disent que le prix de ce produit a monté parce qu'ils se déplacent loin pour s'approvisionner comme le confirme cette vendeuse. On se lève au petit matin, 3 heures du matin, pour trouver du charbon. Les vendeurs ne réussissent pas d'arriver en ville. Quant à ce vendeur, ils ont été obligés d'augmenter le prix du sac de charbon en compensation du prix de transport. Pour trouver du charbon, on se déplace vers Rouvoubou, ce qui nous coûte cher. On joue au cache-cache. Ceux qui achètent des arbres pour la production du charbon font savoir que les arbres coûtent aussi cher. Et ceux qui produisent du charbon dans leurs propres arbres disent qu'ils craignent de vendre le charbon en ville parce que les taxes sont chères. Moi, je vends le charbon qui provient de mes eucalyptus et je récupère quelques sacs et on me taxe 5 000. C'est pourquoi je préfère vendre mon charbon ici au lieu de le vendre en ville de Gitega. Ceux qui vendent du charbon en provenance des communes Itaba et Makibuko font savoir que la police de la protection civile les malmène quand ils font la fourniture du charbon en ville de Gitega. Si tu amènes beaucoup de charbon et tu rencontres le commissaire, t'embarques avec ce charbon. Et celui qui t'a fait crédit, il n'accepte pas, il te taxe d'escroc. Avis contraire pour les fournisseurs qui viennent de la commune Guiheta qui affirment qu'ils ne paient que les taxes légales. Nous provenons de Guiheta, on facilite la tâche pour la coupure d'arbres, on ne paie que la taxe légale, la corruption, on ne donne pas. Si tu donnes la corruption ici, devant, tu es coincé. Daniel Nangwahafi, sous-commissaire chargé de la protection civile, indique qu'aucun fournisseur en possession de tous les documents peut être malmené par la police. Radio Isanganiro, chronique sport. Les compétitions de football en mairie de Bujumbura sont organisées à travers le championnat des 3e et 4e divisions ainsi que dans les académies de football. L'explication du président de l'association de football en mairie de Bujumbura, Issa Nene Nahiman, a fait savoir que l'équipe est classée première dans chaque commune au championnat de la 4e division monte directement en 3e division. Les détails dans cette chronique sportive avec Marie-Claire Cazenetza. Les compétitions de football en mairie de Bujumbura sont organisées à travers le championnat de la 4e et 3e division ainsi que dans les académies de football se trouvant dans les trois communes de la mairie de Bujumbura. Cela est dit par Issa Nene Nahimana, président de l'association de football en mairie de Bujumbura. Ici, dans la mairie de Bujumbura, on organise un championnat de la 3e division et 4e division au niveau de la mairie. Et il y a aussi des organisations de cadets qu'on appelle les académies. Il y a l'académie qu'on a divisé les trois communes. Il y a la commune Mou. Pour être joueur de la 3e et 4e division, ce président de l'association de football en mairie de Bujumbura fait savoir qu'on classe les joueurs en se basant sur le critère d'âge. Les critères pour être un joueur, par exemple, de cadet ou soit 4e division ou soit 3e division, il y a critère d'âge. Si on commence par le critère des minimes, on commence par I13, qu'on appelle le minime. Et il y a aussi les I15. Les I15, c'est ce qu'on appelle les cadets. Il y a aussi les I17, c'est la 4e division. Et il y a aussi I-20. I-20, c'est la 3e division, et ainsi de suite. Issa Nene Nahimana explique que les deux équipes classées premières dans le championnat de minime montent directement dans la 4e division, tout en précisant que la relégation des équipes n'est pas possible pour les équipes des minimes. On fait le championnat des minimes dans toutes les communes. Après le championnat, par exemple, si au niveau de la commune Moura, on organise le championnat à partir de ces deux cadets, Yakade Moura et Kade Kanyosha, on organise des championnats. Après avoir organisé des championnats, il y a une équipe au niveau de Kadé Moura et une autre équipe au niveau de Kadé Kanyosha. Les deux équipes montent directement en 4e division. Pour la relégation au niveau des minimes, il n'y en a pas. Mais sauf en 4e division et 3e division. Mais aussi pour la relégation au niveau de la division des Kadé, il n'y en a pas. Donc il n'y a pas des équipes qui sont reléguées en division des minimes, non. Sauf en 4e division. Et il y a aussi les championnats des Kadé. Souvent on dit U15. Ce sont des championnats des Kadé. Ces U15 organisent des championnats. Et le premier de chaque commune monte directement en 4e division. La 4e division aussi, on organise des championnats. Les trois premiers au niveau des communes montent directement en 3e division. Dans la prochaine chronique sportive, Issa Nene Nahimana expliquera sur les défis auxquels font face l'association de football en mairie de Bujumbura ainsi que les recommandations pour que le football puisse se développer en mairie de Bujumbura. C'est sur cette chronique sportive que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eli Kadok pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikomanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous. Thank you.